Durante a manhã, nos Açores, atenção ao vento, que por vezes é bem forte. Depois temos chuva, que também pode ser forte no grupo central. Já no grupo oriental, há abertas e a chuva é só lá para o final do dia. Estão 11 graus no Porto, 12 em Lisboa, 13 em Ponta Delgada, 15 graus em Faro e 16 no Funchal. Miramar de Franky Chaves e Peixe. Apresentação de Miramar 2 com os convidados Mário Lajinha no piano e António Serginho na percussão. Dia 14 de março, Teatro Maria Matos, Lisboa. Dia 23 de abril, Auditório CCOP, Porto. O segundo disco agora em palco, Miramar, de Franky Chaves e Peixe. Concertos, Antena 1. Liga Portuguesa de Futebol, Jornada 26. Moreirense, Sporting Clube de Portugal, esta segunda-feira, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Relato de Carlos Rui Abreu, comentários de José Nunes, reportagem de Nuno Braga. Moreirense, Sporting Clube de Portugal, esta segunda-feira, com emissão especial depois das 8 da noite. Este jogo tem o patrocínio de Toto Bola, tão simples como um X2. Somos o reflexo do que fazemos, sentimos, pensamos, sonhamos, acreditamos, vivemos. Somos o reflexo de todos ao longo destes 65 anos. Obrigado a quem nos preenche todos os dias. Somos todos RTP. RTP 65 anos. Antena 1. Passos de Ferreira, Paredes e Matosinhos, 96.7. Ora, um bom dia para o José Coelho, ele que está, portanto, a caminho, aliás, ele cumprimenta quem esteja na rota a caminho do leste europeu, diz ele, um bom fim de semana desde Remscheid, na Alemanha. José Fernando Coelho, obrigado, José, pela mensagem. Depois, também me faz chegar aqui a mensagem, é o Carlos, olá Carlos, também uma boa viagem para o Porto. Estamos quase nas 6 da manhã e, entretanto, quero falar-lhe do que vai acontecendo aqui nos nossos estúdios, na sua rádio. A música ao vivo está de regresso aqui à sua rádio. Os estúdios vão encher-se de protagonismo e hoje, temos uma estreia. Sessões Antena 1 com o projeto Expresso Transatlântico. Portanto, hoje, às 16h, temos então aí Sessões Antena 1 com o Nuno Galopim e produção de Ana Sofia Carvalheda e, em destaque, Expresso Transatlântico, um projeto que está a dar que falar e a saber bem ouvir. Azul Celeste, vamos ouvi-lo. Expresso Transatlântico, aqui com Azul Celeste. Hoje em destaque na sua rádio depois das 16h. Estamos nas 6h. Hoje as temperaturas máximas previstas darem-nos 22 graus para o Funchal, 18 para Setúbal e também para Ponta Delgada, 17 de máxima para Santarém, Lisboa e Évora, 16 graus para Aveiro, Leiria, Beja e Faro, 15 para Braga, Porto, Coimbra e Castelo Branco, 14 para Viana do Castelo, 13 de máxima para Bragança e também para Porto Alegre, Vila Real 12 graus, Viseu 11, Guarda 9 e 6 graus para as Penhas Douradas. Antena 1. Votre réveil matin, c'est Francky. Hola, bon dia la planète, j'espère que vous allez bien. Il est 7h du mat sur Orléans, Saint-Jean-de-Bray, Pithiviers. Et côté ciel aujourd'hui, c'est c'est un homme qu'hier. Hein. C'est très nuageux, de la pluie malheureusement, des nuages aussi, beaucoup de nuages aujourd'hui. Les températures au lever du jour, 6 degrés, on dépassera les 13-14 degrés. Mais pas de soleil pour aujourd'hui et demain, mais le rayon de sol, il est là. Et on démarre tout doucement avec le meilleur de Dido sur la console. Belle journée et bon réveil, Francky, jusqu'à 9h. 7h07 sur un arc-en-ciel avec le meilleur de Didon. C'est une très très bonne matinée aujourd'hui. Fabien qui est connecté, Estelle aussi qui est là avec de la keys pour bien démarrer. Et Hollow Me. Salut Fab qui est connecté du côté de Saint-Jean-de-Marais. Et puis on voulait avoir une petite pensée pour toute la famille. Et puis notre Polo qui nous a quittés, voilà. On voulait lui faire un petit clin d'œil ce matin. Gims, tu vas me manquer. Encore une matinée à me demander comment je vais combler tout ce vide que tu as laissé. Je sens que la journée promet d'être longue et je n'ai plus personne avec qui la passer. Je ne peux plus porter ça.

96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Latina, 7h21 avec Don Omar, Soledad, Rodetta Hughes, c'est Frankie dans la radio. On est là jusqu'à 9h. Côté météo aujourd'hui, c'est plutôt nuageux. Bah ouais, fini les deux beaux jours de soleil qu'on a eu de malade. Et ben là aujourd'hui, malheureusement, des nuages, encore des nuages avec quelques gouttes de pluie. Les températures au lever du jour, 7 degrés. Et on va quand même atteindre les 13-14 degrés. Du son à l'ancienne, histoire de bien vous réveiller. Et l'alliance ethnique, respect. Bonne journée, bon réveil. L'alliance est funky. L'alliance sera tellement funky. Vina et Melka. Make it funky. L'esprit de l'alliance est funky. Oui, le sujet est ouvert de manière claire. Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Oui, c'est clair, je vous parle de respect. Je vous parle de cette valeur qui se perd en effet. 1. Le monde moderne dissout les vraies valeurs. C'est 1. Là, il y a de quoi avoir le cœur. On mille morceaux car les villes aussi Joe sont touchées par le manque de respect. Oh. Come back on a funky track. Once we start, no turning back. Feel the groove and you will move to this all night long. Once you learn, you start to grow. Once you grow, you start to know. Respect yourself and the rest will flow. Du reste.

que tú eres una freca. Estamos en fiesta, yo soy de la yeca. Dile a tu novio que no se meta. Estando con los tigueres a tu alta. Tengo todo y tengo la vaca. La mujer es guapa. Si todas son bellas, son bellas, son bellas. Ven para la tarima, que el ritmo te llama. Y con el DJ. Arc-en-ciel. Chez moi, les poils se balancent et les toits grattent le ciel. Maison d'étoiles sans violence et les maisons sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes. Ça dépend où, hein. Moi, j'irai où tu iras. Ça dépend. Si on m'emmène au soleil, ouais. J'irai, surtout en ce moment, on a besoin de soleil. Stéphanie qui vient d'arriver dans les studios, ça va la Steph? Ça va, ça va. Écoute, une petite rhinite de saison, n'est-ce ouais, pas bon, tout va bien. Une rhinite pharyngite, non, c'est ça? Non, non, non, non, non, une petite allergie, je pense. Ah la vache, ouais, bah c'est bientôt le pollen. Mais oui, ouais, moi je suis allergique là. Ah, moi, mais sinon, non, ça va. Et puis le soleil, oui, c'était fort agréable. Mais franchement, s'il peut y avoir un peu de pluie, et ben moi, ça m'irait bien. Ouais, c'est dégueulasse. Là, je te le dis quand même, en France, le déficit des pluies d'hiver, il est 80%. Donc, on comprend bien qu'on a besoin de remplir les nappes frettes. Et ben voilà, remplir les nappes de frenettes. J'attaque, moi, je suis en forme, ça y est. Ouais, t'es en forme avec ce que t'as aspergé dans la radio, là, le truc, là, ouais. Huile essentielle. Ouais. Ah, moi, je la crève, là, depuis, ouais, j'ai toussé toute la nuit, hein. C'est peut-être la nouvelle version du Covid, tu sais, comment ils l'appellent, le BA2. Le BA2. C'est un sous, c'est un sous-variant, t'as qu'à voir le truc, quoi. C'est une sous-race. Oh, putain. Oh, pardon. Je suis enrhumé, en plus. On n'a pas fini avec ça, hein. J'ai des Kleenex, hein, si tu veux. C'est des sous-entendus, là, tout ça. Ça va, t'es en pleine forme, t'as passé une belle semaine. Ouais, ça va, tranquille, avec le beau temps. Eh ouais, il a fait beau hier, hein. Même avant-hier, encore mieux avant-hier. Ouais. Et là, aujourd'hui, malheureusement, bah, la pluie est tombée. Non, c'est pas malheureusement, arrête de faire comme si, genre, ça plombe. Non, c'est bon pour la nature. On va pas se laisser plomber. Et là, c'est bon pour la planète. Voilà, de la flotte. On a besoin, là, les jardins, tout bourgeonne, il faut un petit peu d'eau, c'est très bien. Sortez les caouets aujourd'hui. Pas aujourd'hui, je pense que ça va peut-être un peu plus demain. Ouais, il annonce un peu de flotte, là, j'ai vu. Hein. Ah ouais. Ouais, écoute, c'est bien. Ça fera tomber la poussière. Voilà, la poussière, ça va arroser le jardin, comme disaient les anciens. Hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Ça fait du bien, ouais. Les tulipes, elles en ont besoin en ce moment. Ouais, ça commence à sortir, les tulipes. En pleine forme, là, Stéphanie, Samantha, ça va envoyer du lourd dans quelques minutes. Oh, même pas, mais ça va envoyer des trucs, quoi. On a des invités tout à l'heure. Maxime Bollet sera là avec Olivier Satabin. On va parler de Sauvé Pandy. Sauvé Pandy? C'est quoi? C'est un combat du zoo de Beauval? Ah, bah, tu verras, tu verras. Ok, surprise. Surprise. Daddy Yankee. Yeah! saco otra bailar y tú preseas. Tú comes en todos lados y me preseas. Si tienes sueño más, ¿por qué preseas? Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó. Tu vois qu'il y a du soleil. Bah, bah tu vois, bah, dès qu'il y a du mec comme ça qui chante, tu connais Daddy Yankee, le chanteur reggaeton, un peu? Oui, un petit peu. Ouais, pas comme plus. Ça, quoi. Ouais, c'est pas un pote à toi, quoi. Bah, c'est pas trop ma cam en général, mais voilà, ça fait, c'est très écoutable et ça me va très bien. Ça pas tâche le matin, ça. Il y a du soleil, voilà. Il y a du soleil, voilà, dans mon cœur ce matin. Et faites gaffe quand vous postez des trucs sur Facebook. Là, j'ai un pote à moi qui vient de poster une publication d'une dame qui avait 107 ans. Et elle vivait bien justement en buvant une bière par jour, tu vois. Bon, c'était pour la petite histoire, mais sauf que la publication elle date de 2020. Voilà. On sait pas ce qu'elle est devenue du coup, elle a 108 ans alors. Ouais, 108 ans, mais bon. Ceci dit, la levure de bière est très bonne pour la santé, et tu sais qu'il existe maintenant de très bonnes bières sans alcool. Ah, donc ouais, c'est le moment d'en profiter, et en plus c'est bon pour vos cheveux, vos ongles. C'est pour ça, au lieu de partager tout le temps des copie-coller de machin, faites gaffe aux dates. Mais les gens ne lisent pas tout, non, ils ne lisent pas toujours entre les lignes non plus. Entre les lignes, faut lire sur Facebook, Mais puis ailleurs. Eh ouais, partout. Nos invités tout à l'heure, Maxime Boulet sera là avec Olivier Satabin. On va parler de Sauvé Pandy. Tiens, bah justement, je te pose la colle. C'est quoi Sauvé Pandy d'après toi? J'en sais rien, moi. Sauvé Pandy, ça m'inspire Chantal Goya, Pandy Panda. On en parlera avec eux tout à l'heure. Ils vont pas je ne sais arriver. Pas. Je demande qu'à découvrir. Des belles choses avec toi, ma Steph, aujourd'hui. Des belles choses. Ouais, des choses, quoi. Tiens, allez, vas-y, lance-nous ça, là. Ça, t'aimes bien, comment ça s'appelle, le Pierre Perret. J'adore Pierre Perret, déjà. Moi, j'aime bien. C'est un très grand auteur qui a fait des chansons rigolotes et des chansons graves aussi. Si on reprend, par exemple, Lily ou des chansons comme ça, c'est un super auteur. Et lui, il est toujours en vie, il est toujours vaillant. Il collabore avec des groupes aussi très actuels, tels que les Orgues de Barbac, par exemple. Ah ouais, d'accord, ok. Et puis ça. Et puis ça. Ça, on connaît ça. Au début, je cherchais, mais là, c'est bon, j'ai trouvé maintenant ce que c'était. Je te demande des choses un peu improbables. Je suis le plombier. Pourquoi je vous ai demandé ce matin? Pourquoi tu nous as demandé ça alors? Parce qu'aujourd'hui, il semblerait que ce soit la journée mondiale de la plomberie. Ah, vache. Alors, elle n'a pas vraiment de référence, si tu veux, quand on va faire des recherches, elle existe. Pas vraiment. Alors, c'est pas officiel, quoi. Ouais, voilà, elle est pas très officielle, elle est plutôt officieuse. Mmh. Et en fait, bien, je pense que c'est un syndicat de plombiers qui a décidé que voilà, le 11 mars, ça serait la journée de la plomberie. Ouais, bah voilà. Et du coup, ils font l'autopromo et c'est très bien. C'est marrant, il en faut. Et puis c'est aussi une autre journée, celle-ci internationale. Ouais. Du coup, peut-être qu'on va pouvoir, c'est une autre journée. On en reparle après avec Alain Bachung, si tu veux. Ah, la petite entreprise, ouais. Voilà. On va en parler dans quelques minutes. Si tu veux bien. Ouais. Hein, juste avant, alors je voulais te caler un petit slow qu'on a dansé. Peut-être toi, peut-être moi, je sais pas. Mais vous, peut-être. Ça va peut-être te parler si je t'envoie cette air de musique derrière. Non? David Charvet, tu sais le mec qui joue dans. Vache. Ah ouais? Le surfeur. Ouais, le surfeur. Le surfeur français qui a fait carrière aux États-Unis. Tu te rappelles de ça? Et on se fait un bon souvenir sur la arc-en-ciel avec David Charvet, vous pouvez danser. Et puis là, on va parler d'entreprise en fait. Hein, ouais. De petite entreprise. Petite entreprise. Toute petite. On verra. Petite deviendra grande. Au milieu du salon. J'avais pas la musique, t'as écrit la chanson. C'est comme une lettre qui n'était pas pour moi. Je me suis dit peut-être je la lirai ou pas. Je l'ai lu, j'aurais pas dû, je crois. Faudra jamais rentrer chez toi sans toi. Je la lis ou je la stay. Kids at play. Je tard. Que c'est dans tes sourires que j'oubliais le noir. Des flashs dans mes yeux et des scènes dorées. Mais c'était pour nous deux que moi j'avais tout fait. Je la lis, oh, je la sais. Mal ça, hein. Je dois répondre. Ah, tu peux, non, t'as pas. Ouais. T'as pas David Charvet. Bah, c'est un peu quand même. Ouais, c'est marrant. La soupe instantanée, quoi. Ah ouais, ouais, bah, là, la bonne soupe, hein. Là, on est dans le glutamate à coup de flotte et c'est bon. Quoi. Ah ouais, mais moi j'aime bien, ça me fait marrer ça. Oui, bah oui. C'est sympatoche pour les souvenirs. C'est gentil. Dans les booms, ah ouais. On va parler de petites entreprises ce matin avec toi. Toute petite ou grande, comment? Alors, des fois toute petite qui deviendra grande, puisqu'aujourd'hui il s'agit, par contre celle-là elle est plus officielle et elle date de 2017, c'est la journée internationale des startups. Ah ouais. Donc voilà, pour un petit clin d'œil à Manu, si tu nous entends, Startup Nation. Waouh, voilà. Startup Nation. Voilà, Nation. Donc en fait cette journée elle a été créée en 2017 et son origine elle est plus précisément ivoirienne. Ah ouais, ok. Et son but en fait, eh bien, c'est d'encourager les décideurs socio-économiques d'Afrique, mais aussi du monde entier, évidemment, à célébrer les startups et leur écosystème. D'accord. Et à favoriser l'implantation de ces toutes petites entreprises qui, effectivement, peuvent devenir grandes. Donc, c'est aujourd'hui que nous célébrons les startups. Eh ben, merci, salut, Alain Bachung, voilà, ma petite entreprise. Ma petite entreprise, Alain Bachung, pour toutes les startups. On est à Orléans, on est en pour direct. Toutes les entreprises, ouais, et les entrepreneurs. Et les entrepreneurs, allez, voici Bachung. Connaît pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise, inlassablement se dévoile de mes doigts de palpé. Palpélas et épiderme, qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée, et les vacances, abstinence. Ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris, et c'est ma force. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour, s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos, l'Asie coule à mes oreilles. Connaît pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme, qui fait que je souque, qui fait que je toque, à chaque palier, escalier, ces bâtiments B. L'oreille se lève. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour, s'exporte. je ferme nord, regarde comme quand je vois se poindre les pyramides, mes lubies. Là, j'y coule à mes oreilles, ma vie d'entreprise. Je connais pas la crise. Bon ben, on connaît pas la crise, alors aujourd'hui on fête toutes les start-up, c'est ça, hein, journée internationale de la start-up. Ben voilà, voilà. Et ben une bonne nouvelle. Je crois qu'on n'avait pas aussi éloigné que ça du sujet, même si j'ai pas tout saisi. Ah oui, ils viennent d'arriver, nos invités, on leur paye le café d'abord, on est polis, hein, quand même. C'est clair. Voilà, ben, bonne fête à toutes les gens qui viennent de créer leur start-up, ou alors qui ont créé peut-être leur start-up depuis quelques années déjà. C'est vrai que c'est la grande mode, ça, hein. Bah, c'est Manu qui a lancé ça, on sait. Ah ouais, Manu. On dirait que ce matin, 7h51, si vous arrivez. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. On est dans la radio, on est là jusqu'à 9h avec Stéphanie Biet qui a plein de belles choses à vous proposer ce matin. L'horoscope qui arrive dans moins de 10 minutes et puis nos invités qui vont arriver aussi vers 8h. On est heureux, on est au café avec Maxime, Olivier qui sont installés confortablement. Donc, moi j'ai toujours pas réellement saisi de quoi il s'agit, hein. C'est une surprise totale. Sauvé Pandy, Olivier Satavant est là, Maxime Boulet est là. Et ben justement, on va en parler dans quelques minutes après 8h, avant du son qui arrive et 24 Magic. Tu connais ça, Bruno Mars, toi? Oui. Ouais, ça te parle mieux que David Charvet, hein. C'est mieux, hein. On change d'époque, quoi. Ah oui, hein, c'est carrément. Ouais, voilà. Ouais, le dance aussi, hein. Bon, le surfeur, c'est bon, il est parti, hein. Vas-y. Belle journée, bon réveil. L'horoscope arrive à 8h, puis nous invite aussi. On vous souhaite une très très bon week-end déjà, parce que c'est bientôt le week-end. Eh oui. On dirait Laurie. Eh ouais, on dirait Laurie le début, hein. Ouais. C'est ça? Non, toi, c'est le week-end. Ah, c'est le week-end. Ah, ok, je vais pas réagir. Ah, la lourde. Avec 24 Magic, heureux d'être là, c'est Francky de la radio, nos invités qui arrivent dans quelques minutes. Maxime Boulet, on va leur dire bonjour. Bonjour Maxime. Salut Franck. Ça va bien? Et puis on va saluer aussi Olivier qui est là. Salut Olivier. Ça, ah, il n'a pas le bon micro aussi, c'est bon? On parle en face? Ah, ça va mieux là. Ça va mieux là? Ah, super. Alors, bonjour à tous. Ah ouais, voilà, bonjour. Sauvé Pandy. Toujours le mystère complet pour moi. Des donc... questions pour toi, Stéphanie, pour les auditeurs aussi, certainement. Bah oui, sauver Pandy, c'est vrai, on a plus tendance à penser aux autres bovales, à des trucs comme ça. Quoi, moi aussi, j'ai pensé. Mais c'est pas exactement ça. Il me dit, regarde, ça commence les blagues, ça va être sympa. Et ben, avant de présenter nos invités, l'horoscope qui arrive sur Radio France en direct. L'horoscope, c'est maintenant. Alors, l'horoscope, et on démarre avec les béliers, si tu veux bien, ma Steph. Vous serez tenté de mettre en pratique des idées insolites. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus et à faire de nouvelles expériences. Cela vous apportera un grand enrichissement personnel. Toutefois, il y a certaines limites à ne pas dépasser si vous ne voulez pas mettre votre vie ou votre couple en danger, amis béliers. Les taureaux. Vous ferez preuve d'esprit critique envers votre partenaire. Vous pourriez le blesser. Méfiez-vous des mots trop durs que vous auriez du mal à effacer. Ouais, c'est pas mal. Les gémeaux. Pardon. Non, bah, je t'en prie, hein, tu fais comme tu veux, c'est Olivier. Ouais, j'ai non, c'est Maxime, pardon. Maxime, excuse-moi. Vous vivrez une belle journée de tendresse et de complicité. Le secteur familial sera privilégié et vous vous donnerez du mal pour concilier vie professionnelle et vie familiale. Si vous êtes un cœur à prendre, on vous remarquera grâce à votre charme et à votre joie de vivre. Voilà, la joie de vivre. Qu'est-ce qu'il dit? Pour le côté familial, ça va être compliqué parce que je suis pas là de la journée, je rentre pas avant ce soir. Ah. Donc... Non, mais ce soir, faudra être cool, quoi, détendu, et tout ira bien. En plus, si tu rentres, hein, c'est bon. C'est le week-end. Ouais, je fous le bordel dans les couples, moi, ce matin. Les cancers, enfin, fais gaffe, hein, parce que là. Ouais, vos amours vous apportent de très belles satisfactions. Rien ne troublera votre sérénité, pas même vos amis qui vous reprocheront pourtant une certaine mise à l'écart. Ouais, les lions. T'es trop occupé. Non, je suis pas occupé, c'est que Katia me dit qu'elle a retrouvé le pull de Noël sous le canapé. Oh, dans la merde. Hein. Les lions. Alors, les lions, eh bien, ce n'est pas aujourd'hui que vous réussirez à imposer votre façon de voir les choses dans votre foyer. Il faut parfois accepter d'entendre l'opinion des autres pour évoluer dans le bon sens. Si vous avez des enfants, vous allez devoir écouter ce qu'ils ont à vous dire et vous pourriez être surpris. Les lions, les vierges. Votre partenaire sera très pris par son activité professionnelle et vous vous sentirez un peu esselé. Profitez-en pour vous occuper un petit peu plus de vous et organiser une sortie entre amis, par exemple. Si vous êtes un cœur à prendre, eh bien une sortie sera aussi le meilleur moyen de rencontrer une personne qui vous plaît. Ben voilà, avant d'acquérir les balances, on a quelqu'un au téléphone normalement, je sais pas. Non. Ah bon, on avait quelqu'un, bon, va tomber pour lui. Arrêtez de me faire des blagues le matin. Les balances, eh bien, vous aurez la possibilité de consolider des liens affectifs déjà existants. Des retrouvailles avec une personne perdue de vue ou une évolution positive dans une relation amicale sont possibles. La vie de famille sera agréable mais assez agitée. Vous n'aurez pas un moment de calme. Si tu peux me laisser le texte pendant. C'est que bon là. Ouais, c'est on bon. Vous explique parce qu'on ils comprennent pas les auditeurs. C'est qu'on a j'ai un dérouleur là, à l'écran et puis je bouge la petite souris. Donc c'est du ça. Coup le texte il bouge. Des fois les lignes elles partent en haut. Je m'adapte. Gilbert Montagné. C'est pas facile de lire les yeux. Non. Un œil en bas, un œil en haut, c'est pas ça. Là on est des fous ici. On a des moyens techniques. De ouf. Hein. Les scorpions, on a fait ? Non, on n'a pas fait. Et ben voilà, les scorpions, là. Célibataire, vous pourrez vous laisser aller à faire une déclaration sans crainte d'être repoussé. Il semblerait que votre charme et votre humour aient fini par faire effet. Vous entrez dans une belle période, vous avez le soutien des planètes. Si vous vivez en couple, vous bénéficierez aussi des bonnes influences astrales et l'ambiance de cette journée sera plutôt chaleureuse et tendre. Les sagittaires. Vous multipliez les disputes et les reproches sans fondement et vous allez même jusqu'à penser que votre partenaire en est responsable. Ouais, carrément. Il ne tient qu'à vous d'enterrer la hache de guerre. C'est le seul moyen pour vous que la paix revienne. Voilà, faut se détendre un petit peu, les sagittaires. Il y a Olivier et Joël qui sont rentrés de vacances. Ils nous saluent ce matin. Ah, bah, des gros bisous à eux. Ils sont partis loin, dans les pays du soleil. Oui, mais ils sont toujours bronzés quand on tout les croit. Tout le temps. C'est fou. Travaille le bronzage. C'est ça, travaillez votre corps. Les capricornes. Vos craintes et vos doutes ne sont pas fondées. Parlez-en à votre partenaire qui pourra éclairer votre lanterne et peut-être même vous rassurer comme il se doit. Les Verseaux. Vous ne manquez pas de charme, vos proches le remarqueront et vous le diront. Vous voyez que les efforts finissent toujours par payer. Ami Verseau, vous avez bien fait de ne pas vous décourager. Et enfin, si vous savez, voilà. C'est qui, c'est toi? Bah, c'est la saison, là. Ah ouais, c'est on toi. On est dans justement, la saison du poisson. Ouais. Exactement, c'est l'ouverture. Olivier, attends. Alors, c'est bon, t'as lu avant, non, parce qu'on veut pas créer l'histoire, nous. Hein, j'y vais en frime. Les poissons. Vos craintes vous empêchent d'être aussi spontané que vous aimeriez l'être. Vous recherchez l'honnêteté chez votre partenaire sans toutefois l'obtenir et cela vous apportera quelques contrariétés, les poissons. Oh, il est contrarié, le petit. Et ben justement, avant de les retrouver, nos invités qui viennent d'arriver dans les studios, un peu de music sur Radar Conciel. Ça, vous connaissez Barry White, il y a des anciens avec nous. Hein. Un petit peu, ouais, ça. J'adore. Il démarre dans la musique, hein, c'est un pote. Hein. Il nous a quittés il y a 20 ans bientôt, hein, ça passe. Hein. Ouais, mais t'adores les chanteurs morts. Aussi. Ouais, j'adore. Ben, moi, je suis que les chanteurs morts. Hein. Sponsorisé, Mike Brandt qui est sponsorisé par Triba, les fenêtres. Donc, et puis Claude François par les sèche-cheveux, je sais plus comment il s'appelle. Dyson. Voilà. On va retrouver nos invités juste après. Barry White, let the music play. Ça pendant des heures, Barry White. T'aimes bien toi, Olivier? Olivier, t'aimes bien? Ah, j'adore. Ouais, elle adore. Maxime aussi? Ouais, parfait. Donc, bon, bah, c'est bien. Et la Steph alors? La Steph, elle kiffe. Hein. Ah, ouais, Barry White. Il y a 20 ans qu'il nous a quittés, hein. Un peu plus de 20 ans, ça date, hein. Wow, j'ai l'impression que c'était hier, moi, franchement, avec une. Donc, ça fait marrer un peu. Ouais, bah, c'est moi. Hein. Oh, la vidéo. Voilà. Eh ben, ils arrivent. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Ça me laisse même plus mettre mes petits jingles. Hein. Ouais, c'est vrai que tu kiffes tes petits jingles. Avec Pascal, la voix officielle. On salue au passage Pascal de la radio qui nous fait tous les jingles ici. Ils vont se présenter, on les accueille ce matin, Maxime Boulet. Bonjour Maxime. Bonjour Franck, merci pour l'invitation. Bah ouais, quand tu veux, hein, nous, dès qu'il y a du lourd, on invite tout le monde. Hein, nous, on aime bien avoir de la visite. Nous, on adore les visiteurs. Ça rappelle les visiteurs, ça, ça le film. On part sur un autre sujet encore. Laisse concentrer. Il y a Joël, il a dit putain, tu vieillis. Oh là, pour être Joël. Et ils sont rentrés de Copacabana, ils en peuvent plus, les deux là. ça y est, ouais, ils sont tout bronzés. Troisième sujet en même pas 30 secondes, quand même. C'est mais c'est un truc de fou. Et on a toujours pas présenté le deuxième invité. On a toujours pas présenté le deuxième invité, moi je comprends toujours pas de quoi il s'agit. Mais ça, quoi. Ça arrive, non, mais en même temps, j'ai un. C'est le suspense. J'ai un écran sur la table de mixage, je lis des messages qui arrivent en même temps, c'est pour ça, c'est juste pour ça. Voilà. Maxime Boulet, bonjour. Bonjour Franck, re-bonjour. Re-bonjour, ça va bien, t'aimes bien Barry White? Ouais, ça va, j'adore Barry White. Eh, hey, je radote, hein, je suis Alzheimer, ouais, excusez-moi. Je vais y finir là-haut. Alors, Maxime, explique-nous un petit peu aujourd'hui. Alors, eh ben moi, écoute, t'es venu nous présenter qui, quoi, comment pour alors, Stéphanie. Sauvé Pandy, c'est exact. Quoi alors, Sauvé Pandy? Je vais déjà refaire un topo, ouais. Un petit peu reposer le contexte. L'église au milieu du village. C'est ça. Donc moi, je suis gérant du cabinet MBA Conseil et donc j'accompagne les entreprises TPE, des petites entreprises qui sont sur 0-20 salariés, à améliorer trésorerie et rentabilité. Je suis venu, j'avais rencontré Franck l'année dernière, hein, durant l'été, je crois. Ouais, au Cap d'Agde. Juin, juillet. Non, c'est pas au Cap d'Agde, c'était non. Bien à Radio Arc-en-Ciel. Je rigole, hein, si t'as pas de nous écoute. Je dis plus rien, hein, ouais. Franck m'avait demandé, une fois que j'avais présenté mon activité rapidement, de revenir avec des gens avec qui je travaillais. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je suis venu avec Olivier qui est à la fois gérant de l'entreprise Crêpe Inside et Manutez-vous, il vous expliquera, il a deux activités, mais qui était aussi le précurseur avec Jean-Pierre Fouqueux, qui est aussi un partenaire et un client à moi, de Sauvé Pandy, de l'opération Sauvé Pandy, qui consistait à faire gagner une voiture à une personne dans le besoin. Donc, voilà, bonne initiative. Hein. Donc voilà. Eh oui. Bah oui, super. Non, je suis venu avec Olivier. Voilà, donc Olivier il va se présenter. Salut Olivier, ça va? Rebonjour à tous. Donc ouais. Moi je suis Olivier Satavin, je dirige la société Crêpe Inside. Mon métier de base c'est crêptologue. Ah ouais, ouais. Ça c'est un métier ça. Ça c'est un métier. C'est pas promptologue. Tu fais des crêpes alors? Je fais des crêpes mais pas comme les autres. Promptologue c'est un métier aussi ça. Ouais mais c'est pas chose. Tout à fait le même. On travaille avec les mains mais c'est pas la même matière. Bah voilà, c'est ça que je voulais dire. Avec les mains mais pas les mêmes mains. C'est un plus profond le promptologue. Voilà, nous on reste en surface. Bon petit déj. Hein. C'est du level ce matin, c'est du haut level. Et donc voilà, j'ai un chariot à crêpes et je vais chez les particuliers et les professionnels leur proposer mes services, des crêpes sous forme de bouchées en salé ou en sucré. Bravo. Une sorte de brunch, une belle idée. Où on se fait plaisir à satiété, et voilà, on appelle ça la cryptologie. Et donc, pourquoi on est arrivé à Sauvé Pandy, alors? Eh ben, parce qu'on était un petit peu en manque d'activité, et puis du coup, on a fédéré 26 entrepreneurs autour de nous, qui étaient aussi des petites entreprises. Mmh. L'idée, c'était vraiment de travailler qu'avec des petites entreprises, pour leur proposer d'être un petit peu plus mis en lumière, mais en faisant une bonne action. Et en fait, moi, j'avais une panda un petit peu à rafraîchir, et je me suis dit, plutôt que de la laisser finir à la casse, on va peut-être lui en mettre un petit coup de plus. Et en faire profiter quelqu'un qu'on aurait besoin. Ah ouais. Et en fait, on a fait un petit concours et on a eu la chance de trouver un petit jeune qui s'appelle Quentin. Bravo Quentin. Qui débute un petit peu dans la vie, donc il va avoir des stages professionnels à faire, donc besoin d'un véhicule. Et du coup, on lui a offert cette voiture. Alors, en contrepartie, il nous fait tous les 15 jours une petite story sur notre page Facebook destinée qui s'appelle Sauvé Pandy. Où il raconte un peu ses aventures qu'il a avec cette voiture, quand il part avec sa chérie l'emmener pour un petit week-end romantique, ou quand il va tout simplement au sport avec, ou rencontrer tous les partenaires qui l'ont aidé, puisque c'est parti du deal. Hein, il leur offre des petits cadeaux, il va les rencontrer. L'idée, c'était aussi de permettre à ces entrepreneurs de pouvoir proposer à Quentin, mais pas qu'à Quentin, un contact avec l'entreprise, la vraie entreprise, quoi, quelque D'accord. chose de concret, et qu'ils puissent... se faire son premier réseau entre guillemets pour pouvoir débuter plus facilement dans la vie, et puis voilà, on sait qu'il c'est pas facile des fois, hein, de débuter dans la vie au début encore. Non, on c'est pas simple, et puis tout est une histoire de, enfin c'est plus facile quand on vient qu'une recommandation. Quand on vient de la part de quelqu'un, on passe déjà au moins la secrétaire, voire même on arrive à toucher le directeur, et on a forcément des retours qui sont différents, donc c'est un intérêt, quoi. C'est clair. Et du coup, c'est une opération que vous pensez renouveler? Avec une Porsche. C'est une opération. Moi j'ai une Porsche. Ouais, j'ai mes potes là, ils ont des. Ouais, non mais j'ai des potes qui ont des Porsche. Il y a de la demande, ça nous a demandé quand même beaucoup de temps et des investissements. Moi j'ai passé pas mal de semaines à restaurer la voiture avec des amis qui nous ont donné un coup de pouce, mais. On le refera certainement, mais peut-être d'une autre façon. Et pour l'instant, on va se prendre une petite pause. C'est du boulot. Alors l'historique, c'est énormément de travail. Il y avait quand même, comme disait Olivier, il y avait 26 personnes. Mais ces 26 personnes, elles sont pas venues. Il a aussi fallu les trouver. Ouais. On avait mis en place des trucs sur de la communication. Donc on avait des stagiaires. Donc fallait aussi les encadrer. Enfin voilà, on y passait nos soirs, mais aussi nos week-ends. Ah oui, donc chacun d'une manière différente. Hein. Olivier sur la bagnole, hein, des fois jusqu'à tard le soir. Hein, ouais. Et puis ses collègues qui l'ont aidé sur toute la partie mécanique et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, chacun sur notre partie. J'ai envie de dire qu'on a passé beaucoup de temps. Ouais. Pour revenir un petit peu en arrière, donc pour gagner cette voiture, il y avait plusieurs candidats. Ou alors combien il a fallu présenter une sélection. Ouais, une sélection. C'était un concours. Comment ça s'est préparé la sélection? C'était un concours vidéo dirigé par Christophe Train, qui est un spécialiste de la vidéo dans le 41, mais aussi dans le 45. D'ailleurs, bonjour à Christophe Train. Salut Christophe Train. Il doit nous entendre. Bah, il doit être sur la gare là. On le voit samedi justement. On fait une petite bouffée avec lui samedi. Christophe Train, donc, est un spécialiste de la vidéo. C'était un concours sur les réseaux sociaux où il fallait poster une vidéo sur la page Sauvé Pandy pour expliquer pourquoi c'était à cette personne de gagner la voiture et pas une autre. Ah ouais. Il y avait des belles vidéos, il y avait des nuls, des biens, non? Ouais, on n'a pas de jugement à porter là-dessus. Chacun a fait ses vidéos en fonction de son ressenti et de voilà. Et après cette vidéo, elle a été soumise au vote des partenaires et du jury qui était présidé par Christophe Train. Ouais, et Quentin avait fait un travail formidable sur sa vidéo, hein. Il avait fait des montages, franchement, il avait fait un, je sais pas quel outil il a, mais c'est quelqu'un qui a... Il bosse bien. Ouais. Il s'est donné du mal. Bah, c'est bien parce qu'il a réussi, il a gagné la voiture, et puis alors moi j'ai vu quelques vidéos. Alors il faut juste dire que la voiture elle est rouge, hein, voilà, et avec plein d'autocollants. Eh ben, c'est ça dérange ou pas, non? C'est les autocollants de tous les partenaires. Voilà, parce que se balader avec ça, je sais pas, ça l'a pas dérangé, non? Ah, bah, c'était le but du jeu. Ça, alors, Olivier va continuer. Je crois qu'il allait faire le Castrel Trophy à un moment, moi, le mec. Eh ben, c'est le but. Eh ben, en fait, c'est ce que tout le monde lui demande. En fait, le truc, c'est qu'effectivement, ça fait partie un petit peu de la contrepartie. Pendant un an, il faut qu'elle soit logotypée. Tu veux la vidéo? Si tu peux mettre sur l'écran la photo de Pandy pour montrer on va la mettre. À notre invité qui comprenne un peu mieux ce que tu racontes. L'intérêt c'était ça, c'est pendant un an il doit garder la voiture logotypée et en fait il est tellement investi dans sa mission qu'il nous a promis de la garder pendant tout le temps où elle pourrait lui tant qu'elle va rouler, il gardera les trucs et en fait il nous explique et il va nous faire une vidéo là-dessus d'ailleurs, que ça soit avec les gens de la Maréchaussée ou avec d'autres personnes. Il a beaucoup d'interactions parce que tout le monde lui pose des questions. Quel type de rallye c'est pas celle-là, je me trompe. Excuse-moi, c'est que j'ai des photos de pandas en fait, mais de panda à l'animal, pas de la voiture. C'est pour ça. Et donc en fait, bah, le fait d'avoir cette voiture logotypée, tout le monde lui demande si c'est pour une aventure, comme le 4L Trophy est à la mode, chose comme ça. Et donc ça lui permet d'avoir des interactions avec les gens et il trouve ça très très sympa. Mm-hmm. Et du coup, il fait vraiment son rôle d'ambassadeur dans le sens où il explique pourquoi. On a fait cette opération. Ça facilite les rencontres. Pour lui, il trouve que ça facilite la rencontre. Et je vous dis, par rapport à la Maréchaussée, ils sont un petit peu plus gentils. En même temps, une panda avec cette vitesse. Sympa. Il faut savoir que on peut faire des choses. Hein. Ah ouais, quand même. Il faut savoir que la panda, il avait pneus neufs, jantes neuves. Enfin voilà. Reconditionné correctement. Ça a coûté combien de la remettre en. En fonction, là, du temps, beaucoup. Alors, beaucoup du de temps, temps de l'argent beaucoup aussi. De temps, et en termes d'argent, on est sur quasiment 4000 euros de pièces et d'amélioration sur la voiture. D'accord. Et l'assurance, tout ça, ça s'est passé comment? Alors, l'assurance était offerte par un partenaire, Telem Assurance, à Olivier, et puis, c'était convenu aussi qu'il ait sa carte grise offerte. L'idée, c'était de se dire, si une personne vraiment dans le besoin gagne sa voiture, faut pas qu'il y ait un frein à pas pouvoir l'utiliser. Donc la première année offerte et la carte grise au nom de la personne qui gagnerait. Parce qu'on a eu Quentin qui est un étudiant, mais on a eu d'autres profils de personnes. D'ailleurs, moi j'ai pas voulu faire partie du jury pour pas être parti pris parce que j'étais trop investi dans le projet. Mais effectivement, on a le retour du jury, c'était très très difficile. De choisir, tout le monde était un peu touchant, tout le monde avait son histoire. En fait, c'est ça l'idée. Sans être larmoyant de dire pourquoi on avait besoin et c'était super intéressant quoi. Ben voilà Pandy. Voilà, le logo, Jean-Pierre Foucault, le deuxième précurseur. Voilà, on te montre la vidéo. Gérant Inspiractif. Voilà. Les auditeurs ne la voient pas, mais alors c'est une voiture rouge, une panda. On peut pas la rater. Du coup, vous pouvez peut-être la retrouver directement sur. T'as cherché comment sur Google pour la voir? Ah bah moi j'ai tapé Opération Pandy. Exactement, il y a une chaîne YouTube. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Sauvé Pandy. Vous avez aussi une page Facebook qui s'appelle Sauvé Pandy. Si on veut retrouver le projet et voir les vidéos de Quentin. Toutes les vidéos depuis un an qui sont dessus. Et plus facilement, il y a un site internet qui s'appelle sauvépandy.fr où il y a tous nos partenaires, il y a un peu Quentin, il y a un peu tout ça. Mécaniquement, moi je m'y connais un peu quand même. C'est une panda 4x4 ça ou pas, non? Non, non, c'est une Panda 1000, une 1000 classique. Une normale, ouais. Parce qu'elle existe, la Panda 4x4, elle existe. Exactement. Je sais pas s'il y en a encore, mais en tout cas. Mais elle commence à être un peu, tu sais, comme les 4L, il commence à y avoir. C'est une voiture, c'est classé, c'est une voiture de collection maintenant. C'est classé collection, l'idée déjà, Panda? Va, alors, ouais. Elle le sera d'ici un an et demi, parce que ouais. Celle-ci est de 94, donc d'accord. D'ici un an et demi, elle le sera. Elle sera Young Timer, donc effectivement, même si Quentin la garde, ça peut être un bel investissement par la suite. Ah bah oui. Même si une Panda fera jamais un prix comme une 205 GTI on voit en ce moment, mais, ça restera un véhicule qui va être vantage, voire peut-être même qu'on va s'amuser un jour à aller voir en électrique, ces versions-là en électrique, ah ouais. Grâce au rétrofit. C'était le deuxième projet, était un peu ici là-dessus. Par contre, on est un peu en France, donc ça reste très compliqué. Quoi. Bah, y a Joël qui nous a dit attention, Chantal Goya va vous faire un procès. Bon, pourquoi Chantal Goya va nous faire un procès? Ah, à cause de Panda. C'était le rapprochement. Bah, Joël, ouais. Si on n'espère pas parce que c'est une bonne action quand même à la base. Hein. Joël qui dit la voiture n'a pas de frein. Il écoute l'émission. Hein. Elle a des freins la voiture. Oui, ouais, tout a été refait à neuf. Donc, ouais. Frein, direction, voilà. Elle freine, elle prend plutôt bien le frein à main, donc voilà. Il peut tenter sur circuit de faire du Sébastien Loeb. Ouais. En tout cas, c'était une très belle aventure, je trouve. Hein, Steph, je trouve que c'est toujours bien, de toute façon, des projets comme ça qui peuvent aider effectivement les gens. Je suis toujours évidemment pour, et puis c'est marrant, quoi, parce que la Panda, c'est quand même une vieille bagnole, et du coup, je trouve que le type de voiture, du coup, en rajoute encore à l'expérience, parce que je trouve ça amusant. Oui, Olivier, en fait, c'est un passionné d'automobile, mais notamment de vieilles voitures. D'ailleurs, vous pouvez voir sa voiture d'aujourd'hui. C'est quoi comme bagnole? En ce moment, je me suis racheté un vieux pick-up Mazda. Ouais. Qui est des années 90, que je suis en train de reconditionner encore une fois aussi, mais ce que c'est pour moi, donc c'est un bien. Peu différent. T'as une vieille bagnole aussi, Steph, c'est quoi déjà? Non, c'est pas une vieille bagnole, la mienne, c'est une vieille bagnole. Non, moi, la vieille voiture de mes rêves, enfin, de mes rêves, que j'ai connue quand j'étais petite, via mon grand-père, mon père, etc., non. De 403 Peugeot. Ah, c'est la voiture Colombo, ça? Alors là, on est, voilà, mais pas celle de Colombo, moi, l'autre était, pas avec le... La capote, mais, voilà. Mais elle avait vraiment la tête de lion et tout, c'était une très belle voiture et puis j'aimais bien, quoi, il y avait le toit ouvrant. Ah ouais, ça va. Il n'y avait pas les ceintures, donc derrière, petite, tu sortais la tête. Ah ouais, c'était sympa, canon. Ça, ouais. Alors on a un partenaire qui nous avait restauré Pandy, et en fait il s'appelle Classicard, il a fleuri les aubrais. Et il a une 403 à vendre. Ah ouais, bah, tiens, ça t'intéresse. Il est spécialiste aussi de la voiture ancienne. Ouais. D'accord. On peut le suivre sur Facebook aussi. Ouais. Hein, moi, je le suis personnellement. C'est vrai qu'il a des belles voitures anciennes qui passent entre ses mains, entre guillemets. Ah, sympatoche, ouais. C'est sympathique. Ouais. En tout cas, ce qu'on peut retenir dans cette aventure, c'est la motivation déjà de votre part, parce que il faut quand même avoir envie de mettre tout ça en place. Que ça a duré une année, comme tu le dis, Maxime. C'est sympa de faire ça et de donner de dynamisme comme ça pour des jeunes. Puis c'est bien tombé parce que vu que apparemment il joue vraiment le jeu, il a envie de garder. Donc il se balade avec. C'est vraiment le partenariat et la boucle, et c'est une boucle vertueuse vraiment, et c'est sympa. Alors non seulement il a eu une vidéo sur laquelle il a fait un vrai travail dessus, comme on a dit, il joue le jeu complètement et c'est quelqu'un qui est très attentionné avec la voiture, c'est-à-dire que il en prend soin. Super. Oui, il a rebricolé avec son père encore 2-3 trucs, il y avait encore des petits trucs, parce que, ouais. En fait, ça paraît pas, mais on s'était dit au départ, moi, je lui ai lancé l'idée au mois de janvier, je me suis dit au mois de mars, on file la voiture. Mmh. Bon, au mois de mars, on était loin de filer la voiture. On l'a fait au mois de septembre, c'est ça? On l'a filé au mois de juillet. Juillet, ouais. Et tout n'était pas fini, il est revenu d'ailleurs faire deux sessions à l'atelier avec mes partenaires mécaniques, parce que moi, je suis un passionné, mais je suis pas forcément un bon mécanicien, mais j'ai la chance d'avoir un très beau réseau, et du coup il est venu participer à la fin de la mise en forme de la voiture, et donc ça a été très intéressant. Et des fois avec son père, ils font des petits week-ends où ils essaient d'améliorer encore un petit peu plus ce truc. C'est une super car, quoi. Ça se termine souvent par un coup de téléphone. On a fait ça, mais ça marche plus. Mais ça a le mérite d'avoir été essayé. Mais c'est le côté sympa du truc, c'est que voilà, il prend vraiment au jeu. Ouais. Il a nettoie régulièrement. Enfin, il fait des petites vidéos comme ça où il nous envoie, où il prend soin de la voiture. Et donc ça, c'est appréciable, parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal bossé dessus. Il y a des partenaires qui ont gracieusement passé pas mal d'heures dessus. Et c'est vrai que c'est la chance d'avoir été suivi assez rapidement quand même par pas mal d'entrepreneurs, Et du coup, c'est ça qui a fait qu'on a pu durer un an. Et honnêtement, bon, tout le monde l'a fait parce qu'on on a fait un contrat partenariat publicitaire. Mais objectivement, ces 26 personnes ont vraiment participé de la mise sur la poignée de pub. C'était pareil, quoi. Ça aurait été sympa aussi, peut-être faire un espèce de Tour de France, tu sais, que la bagnole et puis proposer les projets. Alors, on n'est pas allé jusque là. Ouais. Et puis on se tournera avec le prix d'essence, on sera pratiquement au bout du prix de la voiture. Avec le prix d'essence, sachant que c'est une pandémie. Même s'il y avait le projet là, ça tombe un peu à l'eau. À coup. Non, mais ça aurait été peut-être pas le temps de France. Mais non, mais la prochaine, dans l'électrique, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Non, il y a plein de choses qu'on aurait pu faire différemment, dans le sens où on aurait peut-être pu. On a exposé Pandy vraiment telle qu'elle a été logotypée juin. On a fait 2-3 sessions d'Orléans où elle a eu beaucoup de succès. On a eu plein de rencontres, place de la Loire, intéressantes. Mmh. Mais il aurait fallu qu'on la fasse bien avant et pour avoir plus de monde pour le concours, vraiment prendre le temps de la préparer, de la logotyper et seulement après lancer le concours, alors qu'on a un petit peu fait l'inverse. Donc effectivement, si un jour il y a une autre opération, on vous y prendra un petit peu autrement, mais là du coup ça laissait plus de chance aux gagnants, entre guillemets, quoi. Ouais, et puis c'est comme tout, hein, c'est un apprentissage. Mais voilà, on apprend de ses erreurs. On apprend tous les jours et de tout le temps. C'est exactement ça. Alors, en tout cas, merci d'avoir été nos invités ce matin, Maxime. Je vais vous laisser le mot de la fin, Maxime. Et puis Olivier aussi. Après. Alors, mot de la fin, bah écoute, moi je vais être très bref. Hein. Merci de l'invitation. Merci. On avait promis de revenir. Alors moi de mon côté, mais Olivier et JP aussi pour parler de Soleil Pandy. Ça y est, c'est fait. Je pense qu'on a pu parler des deux. On l'a sauvé. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Soleil Pandy pour suivre, de YouTube. Et puis je dirais aux prochaines aventures. On espère qu'il y aura une Soleil Pandy 2. Ça serait bien. Dernier mot pour toi, Olivier. Eh ben merci pour l'invitation. Effectivement, c'est très sympa de nous mettre un peu en lumière sur ce projet-là. Et voilà. Et puis, bah, c'était surtout une belle aventure humaine pour tout le monde. Donc, c'est je pense qu'il faut garder sur ce projet, même si effectivement, pour avant d'en refaire un, il faut qu'on mûrisse ces choses différemment. Ouais. Préparer les soirées. Tout de suite. Il y a quand même une soirée hein, pour clôturer. Olivier a organisé une soirée pour remercier l'ensemble des partenaires, des gens qui avaient contribué au projet. Mmh. Et la remise des clés, hein, parce que ça s'est refait par Christophe Train, le responsable du concours. Et du coup, Olivier a organisé une soirée autour justement de crêpes avec la mise en avant. C'était cohérent, ça, hein, jusque-là. Ce chariot avec crêpes. C'est pour le régime, ça. Hein, non, mais c'est sympa. On s'est beaucoup dépensé pour le projet. Du coup, tu travailles avec des CE aussi, beaucoup ou pas? Avec des CE, des associations, on travaille. Voilà. Nous, on est qu'en prestation, on fait pas de vente à emporter, on fait vraiment que de la prestation. C'est bien, c'est un plaisir autour de la crêpe. On a des formules à volonté, vous manger autant de crêpes que vous voulez, quoi. En sucré, en salé, les deux. Voilà. Même pour un anniversaire. Nous, on l'a fait intervenir. Toi, t'as envie de crêpes, toi, ce mariage. Ah, mais je trouve le concept sympa, quoi. Enfin, voilà, après, on connaît tous maintenant les camions là qui se déplacent, le truck. Alors il y a un chariot aussi, voilà. Si tu le trouves sur YouTube, je pense, hein, il y a une chaîne YouTube. Ouais, voilà. Mais je trouve que c'est un concept un petit peu différent et sympa, enfin j'aime bien, quoi. Je trouve que c'est sympa. Là l'intérêt c'est qu'un food truck dans au moins 50% des cas va rester extérieur vos activités. Moi avec le chariot, je peux rentrer à l'intérieur, je peux rentrer dans une petite cour et tu vas carrément, le mec qui est à l'usine, tu vas c'est un petit chariot. Pratiquement. Ouais, c'est bien ça. Pratiquement, c'est un petit peu différent, mais je trouve que c'est sympa. Nous on l'a fait intervenir parce que je suis vice-président d'un club entrepreneur sur Orléans et on l'a fait intervenir pour une réunion qu'on a appelée la Chandeleur au mois de février, qui était une manière de réunir nos membres plus des invités. Et donc on avait deux partenaires, Olivier pour toute la partie crêpe et le bar qui nous accueillait pour la partie je dirais boisson. Et ben voilà. Et donc il est rentré dans le bar avec son chariot à crêpes. Ah bah voilà. Pourquoi pas un jour à la radio il se pointe avec son chariot. Exactement. Bon, il y a des marches compliquées. Mais c'est pas grave, c'est un chariot 4x4. Voilà. Et qu'il a construit lui-même aussi, hein, donc de toute façon. Ah, il fait tout lui-même, le mec. Hein. Quand on n'a pas trop de thunes, faut faire la Fais gaffe qu'il ne pique pas des bouts de mur de la radio. Justement, il a besoin d'une porte, là. Il manque une porte, c'est lui qui l'a piqué. Eh bien, merci les amis d'avoir été nos invités ce matin. Merci Maxime Boulay, merci Olivier Satamin et Soleil Pandy. Ben, allez voir la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous connecter et puis vous allez voir, c'est une belle aventure en tous les cas. On espère qu'il y en aura une autre. Bah oui, du coup. Avec une Porsche. Moi j'en ai une. Si vous voulez, j'en ai une. Sérieux, j'en ai une. J'ai des potes qui en ont 2-3. Ça fait sauver Porsche, c'est un peu chelou. Sauver Porky. C'est pas mal, sauver Porky. Ça peut être tendancieux. Merci les amis. Allez, merci, bonne journée à tous. Bonne journée. Alice Keys qui arrive avec No One. ça. Ouais. Ça va. J'aime bien ça à la fin quand t'as s'énerve. Elle tape sur le piano, je sais pas, t'as, t'as rappelles pas du clip, non? Si. Ça va. Ouais. Alicia Keys, j'allais dire Olivier Keys, mais non, parce qu'Olivier c'était. C'est ça. Mais bon, on a passé les bonnes sorties avec vous, et puis ça, c'est grâce à toi, ma Steph. Mais écoute, grâce à la passerelle. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Ouais, t'attendais le jingle de la passerelle. Ouais, j'attendais le jingle de la passerelle. Je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé parce que, en fait, ma page était supprimée. Ah, pas de chance. Ah ouais, donc je vais le remettre dedans dès que je l'ai, t'inquiète pas ma Steph. Mais en tout cas, eh bien la passerelle, toujours partenaire évidemment de Radio Arc-en-Ciel, ouais, on est là, pour hein. la vie culturelle de Fleury-les-Aubrais. Donc ce matin, en fait la passerelle vous invite un petit peu à mener l'enquête. Ah, ah oui, alors ça se passe évidemment ce soir à 20h30. C'est dans la salle Jean Cocteau, c'est un spectacle d'1h15 qui invite les plus petits comme les plus grands à partir de 7 ans sans aucun souci. Et c'est la compagnie Tête en l'air et Bonaf Compagnie qui nous propose une enquête avec Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Beaucombe. Ah ah, ça a pas l'air mal ça. Hein. Donc on plante le décor, Angleterre, 1888, Sherlock Holmes et son célèbre acolyte, le docteur Watson, enquête sur la mort d'un certain Charles McCarthy. Le suspect numéro 1, eh bien, n'est autre que son fils, mais notre détective n'est pas convaincu de cela. Une enquête policière du coup démarre à la sauce boulevard et légèrement western, donc je pense que ça a un petit côté un peu décalé et comme on aime, teinté de beaucoup d'humour, de beaucoup de décalage, c'est dit un peu plus loin, qui plaira aux grands comme aux petits. Et évidemment, on vous invite à aller mener l'enquête ce soir avec la compagnie Tête en l'air et Bonaf Compagnie. Élémentaire, mon cher Watson. Exactement, t'as tout compris. T'as vu ça un peu, hein. Je suis fort. Hein, fallait le mettre juste à ce moment-là. Voilà, parfait. J'ai bien glissé celui-là. Impeccable. Hein, au bon moment. Impeccable. Eh ouais. 8h30 minutes. La météo pour aujourd'hui, c'est pas terrible. Des nuages, de la pluie, des nuages, et encore des nuages. Comme vous pouvez le constater, c'est vrai que ça change par rapport à hier. Hier, on a eu du soleil. Hein, t'as bien vu, Steph. Oui, mais on a eu soleil, du soleil. Et puis là, aujourd'hui, tiens, je te mets la météo sous les yeux. Voilà, tu l'as, t'as vu vendredi. Ça va, il fait quand même 18 degrés. Faut se détendre. Il fait pas froid, il fait gris, mais c'est un peu couvert, mais c'est pas violent. De la pluie, peut-être. Et puis, s'il pleut, t'inquiète, ça te fera pas fondre. Et puis, c'est la aucun fête. Aucun souci. S'il pleut, c'est la fête à la grenouille, normalement. Oui, aujourd'hui, c'est la Saint-Rosine, par contre. Hein, la Saint-qui? Rosine. Eh ben, salut toutes les roros, toutes les zizi, toutes les zizines. Et tous les zizi aussi. Voilà. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il fallait que je glisse ça comme ça. Hein? Histoire de zizi, ce matin. Des bons souvenirs avec les Daft Punk qui sont séparés depuis 2 ans bientôt. Ça passe aussi, hein, tout ça, hein. Avec Get Lucky. C'est pas les meilleurs les Daft Punk, ça, hein. Moi, je préfère les débuts, moi. Le premier album en 95. Peut-être, ouais. Ouais, c'était le meilleur. Moi, j'aimais bien. Après, moi, je vous proposerai un truc un peu plus rock. La FFF? Ouais, la FFF. Eh ben, on va les écouter dans quelques minutes. Juste avant, c'est les Daft Punk. On giving, what is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. To get lucky, we're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky. bien ça, moi. Hein, c'est son funky, ça sent. Bah, c'est pas les meilleurs de la funk pour moi, mais bon, après, les goûts, les couleurs. Ça passe toujours tout seul, c'est festif, et puis Lucky, écoute, une journée de chance, ça peut te faire de mal à personne, et voilà, c'est toujours bienvenu la chance. La FFF, vous connaissez mais... Pas la fédération de football, hein. C'est pas la fédération française de football, ouais. Non, c'est la fédération française de funk. De funky. De funk. De funk, F-U-N-K. C'est ça, le funk, un mix de funk et de rock, puisque ce sont leurs influences, et moi j'avais envie de ce matin faire une petite mise en lumière de FFF. Ah! Parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup. Beaucoup ont entendu parler de la FFF, vous connaissez ou ne connaissez pas. Ils se disent, mais c'est quoi ce groupe en fait? Et ben, Stéphanie Bier, ben, a les résultats aujourd'hui. Les résultats, ouais. En tout cas, je vais vous proposer de les découvrir. Les résultats de l'analyse. Je vais vous proposer de découvrir un extrait du premier album. Et parce que moi je l'aime bien, et puis parce que aussi il s'appelle Camarade avec un K, et que je crois que en ce moment la Russie est plutôt d'actualité. Alors ce titre, il faut le replacer dans son contexte, c'est les années 90-91. Ah ouais. Et donc il y a la Perestroïka, donc c'est la nouveauté hein, pour les Russes sous le règne de Monsieur Gorbatchev. Et bah là on se dit que finalement on regrette un peu cette période plus douce qui était finalement là. Mais bon, ça a pas changé. Hein. Pas il y a trop, un moment hein. Il dit Gorbatchev is a new tsar. New tsar, ce n'est pas un tsar. Gorbatchev is a new star. Voilà, c'était un peu le concept. Bon, c'est du rock, c'est du funk. Il y a beaucoup de cuivre. C'est leur premier album. Ouais. Et voilà, découvrir tout de suite, ça va vous déboucher les oreilles. Eh bien, moi, écoutez, je vous le dis. La FFF sur l'arc-en-ciel, camarade. là là, qu'est-ce qu'on adore. Franchement. Des vrais potins, t'as vu. Et nous, on se parlait en antenne avec la FF, on se racontait nos années zigzag. Les années zigzag. Oui, la FF, moi, je les ai vus pour la première fois, je crois que ça devait être en 88 ou en 89, donc c'était le tout début de leur formation. Ils étaient pas, il y avait pas encore tout ce qu'ils ont créé après, parce qu'après, en plus, ils ont créé leur propre maison de production, etc. Ils ont eu leur propre studio. C'est une influence très riche et faut savoir qu'ils ont été d'abord plus connus aux États-Unis qu'en France parce qu'ils ont été amenés à faire la première partie de George Clinton. Ah ouais, carrément. Donc voilà, le George Clinton, c'est le maître du funkadélique, de l'univers funkadélique en tout cas. Et pour bah voilà, qui gravitait aussi autour de Prince, etc. On est dans cet univers-là. Ouais, j'aime bien moi. Et sauf que eux, ils mettent vraiment du rock très fort dans leur funk. Mais c'est vraiment sympa. Enfin, à voir le spectacle FFF, c'était vraiment. Ils tournent toujours la FFF, hein, moi. Non, ils tournent pas. Ils ont fait des concerts un peu exceptionnels sur Solidaise, par exemple, en 2007. Ils se sont reformés pour Solidaise. Ils ont refait, la dernière fois, c'était Obus Palladium, en 2017. Mais c'est un groupe mythique. Et puis, pour ceux, évidemment, qui ont beaucoup écouté Johnny, un des membres fondateurs de ce groupe, c'est Yarol Poupeau, guitariste. Après, qui a bossé avec Johnny, hein. Beaucoup. Ouais. Et, qui a gagné en notoriété, finalement, parce que les adorateurs de Johnny se sont mis aussi beaucoup à aimer beaucoup Yarol Poupeau, qui maintenant tourne tout seul aussi. Et, c'est très très bon aussi ce qu'il fait. D'ailleurs, il n'y a aucun souci. C'est vraiment cool. Et après, dans les autres membres, vous avez un gars comme Marco Prince que vous avez pu voir. C'est lui qui t'a pécho, non? Tu m'as dit en fait. Non. T'as pécho lequel, toi? Non, moi j'ai pas t'as pécho. T'as flirté, tu m'as dit. J'ai pas pécho, j'ai flirté. Non, moi c'était Nicolas Nictus, donc le bassiste, le plus fou, hein, franchement aussi. Ah, ça va, était bien toi, fort, ouais. Voilà. Et c'est des jolis souvenirs que j'ai au zigzag, on rigolait beaucoup, c'était très sympa. Et Marco Prince, vous avez pu le voir dans une émission sur M6, La Nouvelle Star ou un truc comme ça. Ouais. Il a fait aussi partie des membres du jury. Bon, lui, au niveau actualité, il se passe plus grand chose. Mais pourtant, c'est quelqu'un de qualité quand même. Et en tout cas, voilà, FFF, vous pouvez y aller. Il y a quand même 4 albums que vous pouvez redécouvrir depuis les années 90. Mais on se rappelle des bons sons, hein, les petits sons un peu funk, mais un peu rock. Voilà, moi, c'est un groupe que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis ça met la pêche, ça revendique plus ou moins des fois des trucs, et j'aime bien. Mais voilà. Et puis ça fait danser et ça réveille, quoi. Il y a pas. Voilà, c'est sûr que ça réveille. Avec ça, c'est pas le pire, hein. Il y en a d'autres. Deux, trois bières sur la piste de danse. Il y a encore un peu plus costaud, hein. Mais ah ouais, mais c'est bien. C'est vrai que pour ça, voilà, le zigzag, c'était une jolie salle. C'est pour vrai. Ce genre, on faisait des beaux spectacles. Des beaux spectacles. Stéphanie qui vous a fait un revival de la FFF ce matin avec Camarade. Je me suis fait plaisir. Un petit clin d'œil pour la Russie, hein. Oui, et voilà, avec cette chanson, vous pouvez aller la découvrir sans problème. Bon. C'est un morceau qui est pas très radiophonique, je le reconnais, il dure non, plus de 6 minutes. Ouais, on a le droit de revenir. Hein. Et puis voilà, je vous invite à découvrir en tout cas la FFF, la Fédération Française de Funk. Voilà, ça nous a fait plaisir. Ah, moi aussi. Non, parce qu'elle m'aime un peu plus. Coq Robin, on aime bien aussi, c'est When Your Heart Is Work. T'aimes bien ça, Coq Robin? Ouais, c'est plus calme. C'est plus calme. Derrière, ça va nous apaiser un peu. Mais on va aller boire un café tranquille là. C'est ça. Belle journée, bon réveil, 8h43. Let me in, 'cause we- Chauve, non hein? Ah ouais, je te vois le micro. Derrière FFF, c'est sûr. Ah bah c'est sûr que par rapport à FFF, ouais, c'est autre chose. Hein. C'est plus calme. Hein. C'est ça. Donc, on est avec vous ce matin, 8h46 minutes, avec Stéphanie qui est dans le studio. Puis tout à l'heure, on a reçu Maxime Boulet et Olivier Satabin pour parler de Pandy, sauver Pandy. On vous a expliqué un peu ce que c'était. Une belle action, franchement. Belle action, hein, sympa, ouais. Le petit jeune qui gagnait la bagnole, là, hein, t'as vu? Ouais, ouais, puis il y a vraiment ce qui est sympa, c'est qu'en plus, il est super content, il prend soin de la vieille voiture et tout. Il l'entretient, il l'emmène dans une voilà. Boval, tout ça. Voilà. Non, c'est très cool, quoi. C'est une belle action, voilà. Il pourrait l'emmener aux jeux de Boval, la bagnole. Il pourrait, ouais, dans l'absolu. Allez, sauver Pandy, il fera un selfie devant, hein, avec les pandas. Pandy, panda, ça ferait. Bah oui. Ah, non, non, pas Pandy, panda. Oh là, allez, on parle d'un petit exploit. Ah ben un exploit, c'est parti. Qui a été réalisé lundi en fait par un jeune YouTuber, comme c'est la mode en fait, c'était voilà, il est parti en fait avec un de ses camarades grimper à main nue toute la tour Montparnasse pour montrer son soutien au peuple ukrainien. Ah et oui. Dire que ça représentait même pas 1% du courage que dont les Ukrainiens font preuve, mais il a grimpé avec à main nue, mais c'est un spécialiste de la grimpe. C'est pas l'homme araignée là qu'on appelle, non, c'est pas lui. Non, c'est Alexis Landau, c'était son partenaire, et lui je vais retrouver son nom d'ici peu. Non, c'est Léo Urban. Et donc Léo Urban, et apparemment sur sa chaîne YouTube, il est déjà coutumier des faits un peu comme ça j'ai du mal, il fait de la grimpe urbaine, quoi. Ah ouais, en fait. Grimpe urbaine, voilà. On vient d'inventer un mot ce matin. Bah non, mais enfin voilà, il fait de la grimpe urbaine, il fait des cascades, des trucs, il saute des immeubles, des machins, ouais, tu sais, ouais, comme ouais. Ça se faisait dans le temps, il y avait les Yamakasi, c'est genre, ça, voilà, ouais. Ça a dû démarrer un peu comme ça. En taxi, on les a vus. Et tout ça pour dire que ben voilà, il avait décidé lundi de grimper toute la tour Montparnasse, et il l'a fait en 52 minutes avec son camarade pour Bravo. Aller déployer un drapeau en haut Ukrainien. De la tour Montparnasse, et tout ça à main nue, donc plutôt voilà, une petite initiative de soutien plutôt sympathique. Bah nous on soutient radiophoniquement l'Ukraine, hein, on peut pas faire mieux, hein, malheureusement. Bah, de toute façon hein. Parce que c'est bien beau de dire on va faire des dons aussi, ça, mais bon. On va déjà payer le gasoil. Déjà. Et arrêter de se chauffer. Faire payer le gaz et le gasoil, hein. Merci, Poupou. Merci. On n'a pas le numéro de téléphone à Poutine, là, non. J'aurais bien appelé ce matin, là. Hein. Mais Gilles, je l'appelle en direct, là. Allô? Je pense qu'il en a un peu rien à foutre. Et là, on changera pas la face du monde, malheureusement. Et si tous les deux on arrête la guerre, on est les dieux, là. Hein. Ouais, mais je crois pas qu'on y arrivera. J'aimerais bien. En tout cas, j'aimerais avoir une petite baguette magique, là. T'aurais commencé par. Par ça. Par la guerre. Ouais. Et après, je m'occupe du Covid. Je suis comme ça, moi. Voilà. Bon, sans transition, je voulais faire un petit clin d'œil à notre ami Polo qui nous a quitté. Voilà. Notamment au Portugal. On pense très fort à lui. Il y a une cérémonie qui a lieu à 11h30 aujourd'hui à l'hôpital de la Source. Parce qu'il va repartir au Portugal. Voilà. Il sera là-haut et enterré. Et donc, on voulait lui faire un dernier adieu sur Radio Arc-en-Ciel. Salut mon Polo qui nous écoutait tous les matins, tu vois. Tous les matins. Et puis voilà, c'est un ami. On fait une petite dédicace pour lui ce matin ? Volontiers. Allez, parlez à mon père Tillade, voilà, pour mon petit Polo. Salut Polo. Je voudrais oublier le temps, pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire des voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver les couleurs des tableaux que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois et me rassure. Parler à mon père, parler à mon père. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon. Je voudrais partir avec toi, je voudrais rêver avec toi, toujours chercher l'inaccessible, toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune, et pourquoi pas sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. C'est Tiad que j'ai reçu à la radio il y a 15 jours. Ça ouais, fantoche. Il a une jolie voix en tout cas. Une belle voix, hein, Titi. Ouais, hein, parler à mon père. Voix. Voilà, un petit clin d'œil pour Popo, Popo, Polo. Parler à mon père. Et on va parler à toi, Stéphanie, ce matin. Ouais. On va te parler de plein de belles choses. Côté météo, c'est pas ça aujourd'hui. Je peux vous le dire tout de suite. Bah, hein. Arrête de dire. Ah non, mais. Mais tu plombes les gens avec la météo mais... alors que la météo, elle, ça va. Il peut encore neiger, il peut encore geler au mois d'avril, ne l'oubliez pas. Ah ouais, carrément. Mais c'est bien quoi sûr, les giboulées de mars? Non, mais les giboulées de mars. Mais là, c'est apparemment, ils annoncent des pluies cévenoles. Alors les pluies cévenoles, c'est des pas de saison. Les pluies cévenoles. C'est quoi? Dans le sud. C'est des grosses pluies. Il va tomber, en fait, l'équivalent de 3 mois de pluie, je crois, bon, en l'espace de. Mais c'est plutôt ça. Ça concerne plutôt le sud de la France, ouais, mais, galère, hein, mais voilà, et on a beaucoup manqué d'eau, donc c'est important qu'il pleuve quand même. Faut bien remplir les nappes. Quand il y aura plus d'eau, tout le monde crèvera. Comme ça, il y aura plus de guerre, tout le monde voilà, sera d'accord. Quand il y aura plus d'eau, il y aura plus de nappes, on pourra la plus manger. La vraie vie, c'est l'eau. Voilà, parce que s'il y a plus de nappes, on peut plus manger sur la s'il table. S'il y a plus d'eau, c'est terminé. Hein, c'est ça l'histoire. Voilà. Oui, aussi. T'as compris ma blague? Oui, j'ai compris ta blague. Bon, mais je fais semblant de pas comprendre des fois. J'ai bien vu la blague des 84 à Toto. J'avoue, je fais semblant de pas comprendre. Oui, c'est une blague de merde. Bon bah je vais y aller hein. 8h53 minutes avant de retrouver monsieur Laurenceau normalement. Je regarde le planning moi, attends je prends le planning oui. Parce que c'est bien lui ce matin, on est quel jour aujourd'hui? On est vendredi. Comme ah bah tous ouais. Les vendredis. Bah c'est monsieur Laurenceau normalement. S'il a l'heure, il va pas tarder. Peut-être. Bon. Dernière chose avant de se quitter. Ouais tiens un petit truc, une astuce, un truc un peu à la One Again. Non, à la One Again. À la One Again Party. C'est voilà pour ceux qui veulent des fois parfumer leur voiture sans passer par la case sapin vert, plein de produits toxiques, des trucs infernaux et qui sentent pas bon. Et ben une petite astuce. Et ben voilà, l'astuce, allez, vous rentrez dans la bagnole, fermez la porte et voilà, c'est parfumé pour la journée. Ça c'est ton astuce à toi. Pour ceux qui ont envie de rendre ce moment plus agréable, eh bien le truc c'est une petite pince à linge en bois, tout simplement, ah bon que vous allez clipser sur le nez. Non, sur votre bouche, là où l'air sort dans la voiture, tu sais, les petites bouches d'aération. Ouais, là, tu clipses une petite pince à linge en bois sur laquelle tu vas venir glisser tout simplement les huiles essentielles de ton choix. En plus, c'est écologique. Et voilà, et donc on met des huiles essentielles, ça parfume la voiture, ça coûte pas très cher, et puis c'est pas mauvais c'est pas ni con, néfaste pour la santé. Voilà, donc après, au niveau déco, ça reste une pince à linge en bois. Ouais, mais bon. Mais voilà, c'est un bon système pour parfumer la voiture, que ça sente bon et de façon évidemment plutôt écolo. Alors, et plutôt non toxique. Je vais dire une chose, hein, parce que déjà les trucs qu'on achète dans le commerce, c'est super cher les trucs qu'on met. C'est super toxique. Toxique. Alors la pince à linge, on en a acheté plein, on en a pour quelques années. Et puis l'huile essentielle, hein, quelques gouttes, ça peut durer des mois. C'est ça. Donc tu peux choisir, tu vois, t'as envie que ça sente la lavande, la fleur d'oranger, le géranium, voilà, des choses agréables. Après, sinon t'achètes des boules puantes, tu gagneras. C'est bien ça aussi. Voilà, lâche une bonne caisse le matin dans la bagnole et comme ça, voilà, tout le monde se barre. J'avais envie de finir sur une note agréable, mais ça va pas être possible ce matin. Ah, une note agréable, il y en a une qui est arrivée, c'est M. Laurenceau, là, une note agréable. Il est bronzé, on dirait, non? Il est au ski ou il est au Portugal? Ça va. Et nous, on est en direct, hein. Ils disent bonjour. Faites comme ah chez oui, vous. On se dit bonjour. Bah, bah, c'est le minimum. Attends, bah, on est quand même poli. Et bah, voilà. Et bah, on va l'accueillir dans quelques minutes, monsieur Laurenceau, dès que je trouve le bon poteau pour envoyer la musique. Ah, bah, voilà. Le voilà. J'ai appuyé sur le bon bouton. Du coup, c'est quoi que tu nous proposes, là, pour finir? Oh, bah, là, c'est du soleil. Ah, il pleut. Daddy Yankee, puis on accueille monsieur Laurenceau. Ça va, monsieur Laurenceau, en direct. Quel beau gosse, t'as vu ça? Grave. Il a la même coupe de cheveux que moi. Hein. Si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Está pura, pura, pura, pura, pura. Que está pura, más arriba, porque tú te ves bien. Está pura, mamacita, te fuiste de nivel. Pura, mira cómo brilla tu piel. Está pura, dímelo, dímelo, cómo quieres. Está pura, yo te doy un 20 de 10. Está pura, pura, pura. Tú eres la máquina de baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo. C'est le soleil. C'est ensoleillé. C'est ça. I'm singing the rain, j'ai envie de dire ce matin. Je vais chanter sous la pluie. I'm singing the rain, in the rain. R-A-N-E. Ça te dit ou pas? Bah ouais. Moi ça me gêne pas, j'adore la pluie, moi tu sais bien. Ouais, le vent, la pluie, les éléments. Les arbres, toi t'aimes bien les arbres aussi. C'est comme ça. C'est la belle saison en plus là pour démarrer les câlins. Canon. Ah la vache. Bon bah c'est reparti avec les câlins. Si vous pêchez un arbre ce matin, allez-y, prenez-le tout de suite. Laurenceau qui arrive, monsieur Laurenceau, je dis Laurenceau, je suis méchant quand on a oui, on dit monsieur Laurenceau. Monsieur Laurenceau, voilà. Big up la famille, rendez-vous la semaine prochaine, il est 9h, l'heure des publicités. Hein. C'est ça. Voilà, et puis salut mon polo, voilà, c'est de la part de Carlos, on voulait le dire. Déjà un petit message. Ah, on m'appelle. Les gens, le matin de bonne heure, les gens, ils m'appellent. Hein. C'est un truc de fou quand même. Belle journée sur l'arc-en-ciel. Ciao, on ciao, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme-Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22.